Dans un monde où l'honneur est au-dessus de tout, où les clans les plus puissants jouent d'influence pour faire grandir leur pouvoir, quatre jeunes hommes issus de ces mêmes clans pourraient bien connaître une destinée bien plus glorieuse que celle qu'ils avaient imaginée. Mais pour cela, ils auront de nombreuses épreuves à traverser. La gloire n'est pas une fin, seul l'honneur compte. En auront-ils assez pour pouvoir écrire leur nom dans le livre des cinq anneaux? Vous avez fini votre première matinée. Il est vrai que certains ont une large avance pour au moins aller jusqu'en finale. Quant à d'autres, hein, je dis ça... Moto et Doji, disons que c'est un peu la galère. Un commentaire? Écoutez, la chance, la roue tourne la tournée, hein, comme on dit. Putain. Il y avait une équipe force, forte en face. Je pense qu'ils avaient une meilleure cohésion de jeu que nous. Voilà, on a eu une faiblesse au niveau de la défense. Alors, en réalité, l'erreur venait peut-être pas de vous, mais certains sont peut-être meilleurs que vous. Tout simplement. Enfin. Il y a deux tricheurs. Hein, vous commencez, après le sport, le petit footing du matin, vous commencez à prendre une pause. Et là, vous allez me dire ce que vous faites pendant la pause. Alors, je rappelle que certains d'entre vous ont utilisé des points de vide. Oui. Qu'il est possible de récupérer sur la méditation. Donc, pour ceux qui sont intéressés à récupérer des points de vide, il faut qu'ils fassent un jet de méditation. La difficulté est de 15. Pour récupérer un seul point de vide. Par tranche de demi-heure. Alors, quoi? Tu me dis 15, c'est ça? Il n'y avait pas aussi le thé, on ne pouvait pas se faire une cérémonie du thé. Alors, une cérémonie du thé, ce serait un peu plus long. Là, ça demande juste une méditation. Disons que prendre un thé à cette heure-là, ce serait très mal vu et très malvenu de ta part. C'est pas le moment, quoi. Il y a un moment pour tout. Non, pas et donc, donc, si jamais on voudrait regagner un point de vide, il faut faire un jet de méditation, c'est ça? Voilà, un petit jet de méditation, la difficulté de 15. D'accord, méditation. Alors. Voilà, donc là, on voit le Mirumoto, hein, ça. C'est mon truc. C'est ton truc, la méditation. Voilà. Bon, il y en a certains qui disaient « Ah, je vais méditer, mais... » Et donc, okay. j'enlève un point de vide. Tu récupères un point de vide que tu as certainement dépensé. Oui, c'est ça. Donc là, tu dois être à maximum 2 points de vide. Ah, j'ai oublié de noter. Enfin, vite que j'ai perdu. Ah ouais. Faut les noter. Non, mais je l'avais dans ma tête, en fait. Je pensais pas qu'on... Il vous reste encore une demi-heure de pause. Entre-temps, vous avez commencé un petit repas assez simple. Du riz avec quelques tranches de poisson. Mais vous n'allez pas vous surdoser en nourriture avant d'autres épreuves qui peuvent être physiques. Surtout que vous voyez que quelque chose se prépare. Tiens donc, un moto sans un bras amène des chevaux. Oh. Il y en a 4 total. Ce ne sont pas des destriers, hein, ce sont des chevaux. C'est un cadeau? Certainement pas. Tu vois que ils ont l'air apprêtés à leur utilisation pour faire de l'équitation. En gros, ils sont préparés pour que tu les chevauches. Et tout ça se passe devant vous, donc vous êtes toujours à l'extérieur du dojo, dans le même endroit où vous avez fait des preuves d'athlétisme. Vous êtes réunis, tout le monde. L'arbitre et quelques autres personnes surveillent un peu les préparatifs. Quant à vos supporters, ils viennent vous... Dès que vous avez fini, que vous commencez à manger votre méditation, votre repos, j'ai envie de dire, ils viennent vous aborder. Donc ça va très simplement. Doji, toi tu as tes deux cousins qui viennent te féliciter quand même de ne pas être arrivé dernier. Donc ils se moquent un peu de toi. Malheureusement on a tous nos points faibles. Donc tu vois qu'ils sont en train de te regarder et enfin ils savent que les épreuves que tu as fait n'est pas ton fort mais que le plus dur reste à venir. Quant à toi Mirumoto, ton fabuleux ami revient t'épauler, te soutenir en te félicitant quand même d'arriver à la deuxième, à la troisième place pardon. Oui, je lui dis. Je lui dis que merci pour ton soutien et pour tes conseils. Mais dis-moi, Bayushi a eu beaucoup d'avance sur vous. Mais pour tout te dire, j'avoue que je l'ai pas vu. je l'ai perdu de vue très tôt. Et je pensais vraiment arriver premier. Bon, je me suis fait dépasser sur la toute fin, mais j'étais vraiment persuadé d'arriver au moins deuxième. Et j'ai eu la surprise de le voir déjà frais et dispo. Donc j'en suis assez troublé. Il est vrai. Même ça m'a beaucoup étonné de le voir en forme après toutes ces épreuves et portant avec lui son c'était quoi déjà, c'était un blason, un truc comme ça que je vous ai demandé, une sorte de relais, une sorte de de tissu qui d'étoffe qu'il fallait ramener. Donc il est étonné qu'il ait pu faire ça en si peu de temps, sachant que tout le monde a vu le Hida s'enfourner dans la forêt en premier. Donc a-t-il utilisé des subterfuges, qu'il vous a déstabilisé, triché? Mais écoute, j'ai remarqué quelque chose. Je pense que je l'ai remarqué. Je sais plus si c'est moi qui l'ai remarqué, mais je crois que oui. Des cordes. Oui, c'est toi qui l'as remarqué avec. Des cordes qui pendaient des arbres. Alors, je sais pas si il s'en est servi ou pas pour passer des preuves. Mais bon, dans le doute, je m'abstiendrai de parler de ça. Très bien, très bien. Bon, prépare-toi pour la prochaine épreuve. Je crois que ça va être de l'équitation. Mais écoute, ce n'est pas mon fort, mais je vais essayer de donner le meilleur. Comme toujours. Courage. Merci. Tu as beaucoup d'avance, mais ne lâche rien. C'est pas maintenant qu'il faut avoir la grosse tête. Je suis tenace et humble. Il y a un silence. Un petit peu gênant. Mais il fait un sourire en coin et puis ne faisant aucun... Alors, il te fait aucun contact physique, hein, il te fait ni d'accord ni rien, mais tu sens qu'il est très proche de toi comme ami, mais qu'il te respecte en tant que samouraï et certainement futur grand samouraï du clan du lion. Donc tu vois qu'il est très à cheval sur l'étiquette, etc. Il t'en excuse, mais il va retourner avec les autres. Je crois que il te reste un peu de temps pour méditer. Oui, j'ai déjà commencé, à vrai dire. Mais en tout cas, reste merci. Concentré. Merci pour ton soutien et tes conseils toujours aussi avisés. Je regarde d'un regard très pointu le déroulement du tournoi. Clin d'œil et puis il s'en va. Ok. Moto et Yoritomo, aucun de vos camarades souhaite vous soutenir. Ça, vous vous sentez seul. Moto, tu vas pas me faire encore un jet. Ton cœur commence à avoir mal. Non. Ah non, c'est pas encore. C'est toi qui as choisi un désavantage. Trop d'humiliation. Pas ma tachycardie, non. Souffle pas trop dans le micro, s'il te plaît. Mais vous pouvez me refaire un jet de méditation pour ceux qui le désirent, regagner un point de vide. Alléluia. Allez, on va tenter. Encore une fois, on peut refaire une deuxième fois. Oui, c'est toutes les demi-heures que t'as le droit. Ah d'accord. Et bien... Donc là, il te reste une demi-heure avant la fin de la pause. Alléluia. Ça marche bien ou pas? Bah décidément, la méditation, c'est pas mon fort. Hein. 15 piles, oui. Mais dis quoi? Mais moi, je médite toujours aussi bien. Le jet est dur parce que la méditation, c'est un apprentissage. C'est quand même quelque chose qu'il faut s'imposer à soi-même. Et vous voyez le doji qui se concentre et tu fais une position du lotus. Tu essayes de te vider l'esprit, de faire des inspirations, expirations, et tu me regardes et tu regagnes un point de vie. Pareil pour toi, Mirumoto. Hein. Ça va sans dire que la méditation te va si bien. Vraiment, tu fais des beaux jets là. Il faut que ça continue. Eh oui, eh oui. Enfin, l'arbitre. L'arbitre Mia, je crois que c'est Mia Tomo, vous demande d'approcher jeune candidat. Et en voyant qu'il y a l'air d'avoir un espace où c'est un peu clôturé. Et vous voyez assez loin deux mannequins d'entraînement. Là-dessus, l'arbitre vous explique le fonctionnement de l'épreuve, qu'il vous faudra chevaucher un de ces quatre destriers, un de ces quatre chevaux, que vous devez arriver jusqu'à les mannequins d'entraînement, qu'il vous faut en premier lieu taper avec votre katana sur la cible, et en second temps, prendre l'arc qui est sur le cheval et tirer une flèche tout en étant mobile, bien sûr. Et de revenir sain et sauf jusqu'au point d'arrivée. Cette épreuve se déroulera en 1-1. Je vous demande donc de bien vouloir piocher une pierre dans cette urne. Alors, pour faire simple, Yoritomo, tu seras contre Bayushi Shugai. Et quant à toi, Mirumoto, tu seras contre la Utaku. Ah, tiens, ça va être un bon combat. Quoi? C'est la Utaku. Donc, une membre du clan de... La licorne, excuse-moi. J'ai douté un instant, mais ça n'arrivera plus. D'accord. Je prends le stat. Et Moto, tu seras contre Doji. Que le meilleur gagne, Doji-san. Effectivement, mais je pense que au niveau de l'équitation, vous avez un petit avantage. Vous savez, le hasard peut bien faire en sorte qu'un cavalier soit décelé avec une simple brise de vent. Alors, je vous souhaite bonne chance et je pense que vous avez aussi vos chances, Doji-san. Espérons que la chance soit de mon côté dans ce cas. Ok. Alors, j'ai déjà distribué pour... Hop, non, j'ai pas distribué maintenant. On va commencer du coup, Yoritomo. Tu vas être le premier à aller en selle contre le Bayushi Shugai. D'accord, c'est le mec du scorpion. Ah oui, c'est le mec du scorpion. Ah. Tu vois qu'il te regarde attentivement, il prend un cheval, tu en prends un. Bien sûr, tous les chevaux ont la même agilité, donc cela ne change rien au jet que tu vas faire. Donc, comment va se passer l'épreuve? Donc, déjà, c'est voir si tu arrives à galoper avec un réussir un jet d'équitation pour voir si tu arrives à galoper avec un cheval. Donc ça te demandait un jet d'équitation. Il faut que tu dépasses 5. C'est tout simple. Après, arrivé près de la cible, il faudra que tu donnes un coup avec ton katana. Après, il y a une deuxième cible un peu plus loin, mais on va considérer que c'est assez proche pour pas que tu aies un deuxième jet à faire d'équitation. Il faudra que tu fasses un tir à l'arc. Donc, ce sera assez difficile, le tir à l'arc à cheval. Et enfin, le sprint final, où il faudra cavaler très rapidement pour arriver à la fin. D'accord. Donc, ensuite, il y a une petite règle dans l'équitation qui est assez sympa. On ne va pas l'appliquer, parce que ce serait au désavantage de tout le monde, sauf les motos. Donc, je pense que vous la connaissez. Oui, mais non, mais il faut quand même que tout le monde... Oui, soit... oui, je rigole. Sinon, tu les exploses. En oui. fait, la règle de l'équitation, c'est que tu prends... par exemple, quand tu veux faire Kenjutsu à cheval, en fait, tu fais le plus bas de tes compétences entre équitation ou Kenjutsu. C'est-à-dire, si tu as 0 en équitation, tu as 0 en Kenjutsu. Enfin, tu lances un jet à 0. Donc, tu lances le jet en équitation... Et ça remplace ta compétence Kenjutsu. Mais on va pas le faire comme ça, on va faire exactement le jet de Kenjutsu comme si t'étais au sol. Ok. Etc. Les PNJ aussi du coup ? Les PNJ aussi, mais ils sont pas les meilleurs en équitation. À part une, bien sûr. Otaku. Comme par hasard, ouais. Oui, mais non, mais là, Otaku Shiko, je pense qu'elle est quand même meilleure que vous, donc c'est normal. Et on va commencer du coup, tu te mets en piste, tu vois que tu fais un peu idée. Ouais, moi j'aime aussi des bateaux, pas des chevaux. La cavalerie c'est pas ton truc. Hein. Vivement les preuves nautiques. Donc là, tu vois qu'il y a un palefrenier qui tient les rênes de ton cheval et qui conduit jusqu'à la ligne de départ. Là-dessus, Yoshi te regarde. Vous avez tous les deux maintenant... un arc avec des flèches et un sail en bois pour taper plus simplement, pour pas que vous soyez déstabilisé avec votre katana. Déjà pas se blesser si on le tient mal et on tombe, ça peut arriver, un accident est toujours vite arrivé. Apparemment, il paraît qu'il y a un moto qui a perdu un bras comme ça. Donc, on va commencer. Donc, Yoritomo, on te donne le top départ. Donc, l'arbitre Tomo te signale que tu peux y aller, donc je te demande ton premier jet en équitation. D'accord. Donc, tu t'élances, et avec Bayushi Shugai, vous cavalez, là les chevaux sont à une vitesse hallucinante, t'es jamais allé aussi vite avec un animal. Même en bateau, cette sensation-là, tu ne l'as jamais ressentie, bien que certains bateaux, bien sûr, plus vite que les chevaux. Mais là-dessus, tu cavales, tu commences à te mettre vraiment accroché à la crinière du cheval. Et tu arrives en même temps que Bayushi sur la première cible. Tu vas me faire un jet de Kenjutsu. Tu as pris une augmentation. Et d'un coup, tu arrives avec ton cheval, tu le cabres. Et tu arrives à sortir ton sail en bois d'une des poches pour où il était représenté. Et tu donnes un énorme coup sur le mannequin. Et tu vois que tu t'avances encore et tu as même le temps de sortir l'arc. Et tu t'es un peu rapproché. Du coup, la difficulté pour la prochaine cible au tir à l'arc sera beaucoup plus simple pour toi. Quant à Bayushi Shugai, lui, il a juste eu le temps un peu de s'en mêler et puis donner un coup tranquillement, sans prendre trop de vitesse, en ralentissant un peu. Tu as de l'avance. Yoritomo, tu vas me faire un jet de Kyujitsu. Le tir à l'arc. Tu vois que tu commences à tirer une flèche et elle part à côté. Non. Ah, magnifique. Et Bayushi Shugai, peut-être moins fort que toi sur le katana, mais disons qu'il a les kami du vent avec lui parce que la brise s'est tue pendant un instant. Et sa flèche est partie tout droit vers la cible, la touchant. Et tu vois qu'il te fait un... comme ça. Et il repart au galop de l'autre côté. Tu as encore le temps de le rattraper. Fais-moi un jet en Kyujitsu. Tu vois que tu rates ta deuxième flèche, il t'en reste une troisième. Et Bayushi Shuga, il a déjà galopé jusqu'à l'arrivée. Il est trop tard pour toi. Mais peut-être arriveras-tu à la troisième, même si tout est fini. Autant finir ce qu'on a commencé. Tu gâches ta troisième flèche qui part assez loin. Les Camis du Vent ne sont pas avec toi. Ils ont décidé d'être en colère contre toi. Je me demande ce que t'as bien pu leur faire. Puis, tu retournes tranquillement, en n'essayant pas trop chamailler la monture sur laquelle tu étais. Elle n'y est pour rien, elle t'a conduit jusqu'à l'objectif, mais c'est toi qui as manqué d'entraînement. Et tu te dis que peut-être un archer de Tsurushi a réussi. Et les archers de Tsurushi, tu sais, c'est ceux qui sont spécialisés à l'arc. Ouais, ceux qui brisent leur katana. Ouais, qui tirent les yeux bandés. C'est les fils de pute par excellence, parce qu'ils touchent les samouraïs à 300 mètres, quoi. Et, tu vois, ils allument les samouraïs comme des... J'ai un ami qui est Tsurushi. Je connais bien. Il est assassin et Tsurushi, c'est pas mal. Ensuite, tu déposes un peu déçu. Bien sûr, Bayushi Shuga est très heureux de recevoir ce point de l'arbitre. Ce magnifique point. Très joli tir, hein, Bayushi. Ah. Bayushi, ça. Sachez que c'est juste de l'entraînement. J'imagine. Chez les scorpions, on nous apprend à ne jamais rater une cible. Je pense que chez vous, c'est un peu l'inverse. Sous-entendez-vous ? Je dis pas que chez les mantes, le tir à l'arc est source de problèmes, mais j'ai entendu dire que certains d'entre vous l'utilisent pour se réchauffer. Ils casseraient leurs arcs pour se réchauffer la nuit. On entend bien belles histoires aussi sur les scorpions. C'est une boutade. J'imagine bien, c'est pour ça que je le prends pas mal. Et tu vois qu'il cache un sourire, un peu de confiance, par ensuite un regard assez... inquisiteur, très très ferme. Je regarde comme si ça me touchait pas, hein, en mode de ce que tu veux, je m'en fous. Tu vois qu'il a quelques groupies courtisanes qui viennent le féliciter et le conduisent à sa loge où il va se changer. Et dont toi aussi tu vas pouvoir soit rester regarder tes camarades ou partir te changer pour peut-être lorsque ça sera pas un de mes camarades qui sera par exemple le mec du crabe et contre le, ok, parce que en fait là t'as pas changé de tenue de sport parce que t'as fait enfin pas comme si t'avais un short et tout ça, mais ouais, t'as un kimono plutôt sportif assez léger pour puisse tes mouvements soient assez facile, et ensuite t'as un kimono d'apparat comme celui que tu as fait pour la cérémonie d'ouverture. Oui. Donc tu retournes te faire des balbutions et te laver. Oui, voilà. Ensuite, on va faire moto contre doji. Mm-hmm. Donc âgé d'équitation. Donc vous préparez tous les deux, donc doji tu te fais un peu aider, tu vois que les palefreniers t'aident à monter sur ton cheval. Moto, tu vois, tu escalades. Oui, mais avant, je fais une petite caresse à la bête. Et je lui murmure quelque chose à l'oreille. Tu vois qu'elle tend l'oreille. Donc tu lui murmures je ne sais pas quoi. Porte-moi chance d'étrier, voilà. Tu vois qu'il y a ton père qui te surveille. Disons que là, ça n'a rien à voir avec la chance, c'est le talent. Et ça va parler, maintenant vous allez me faire tous les deux un jet d'équitation. Tu t'élances et Doji, tu fais que ta monture soit aussi rapide que celle de moto. Là-dessus, ça va se jouer certainement sur d'autres critères que manœuvrer un cheval. Car ça, vous avez l'air de savoir y faire. Et je vais vous demander un jet de Kenjutsu, s'il vous plaît. Du coup, vous manquez tous les deux votre cible. Vous êtes partis certainement trop vite, tous les deux. Et vous loupez de peu, la monture s'est cabrée avant même que vous puissiez l'atteindre. Et vous faites un petit tour et vous revenez devant la cible. Et là, c'est à vous, Kenjutsu, messieurs. Vous arrivez tous les deux à frapper la cible. Doji, tu as pris vraiment un peu plus de temps. Tu as essayé de prendre le meilleur profil. Et tu tends vraiment ton bras, ton petit bras svelte, et tu touches la cible qui l'a fait un peu tourner, gigoter. Et là-dessus, tu remets le sail tranquillement et tu sors l'arc. pendant que Moto, lui, a donné un énorme coup, comme s'il avait attaqué un Oni, il a cherché à donner le coup le plus violent qu'il connaît. Et vous sortez, tu sors aussi ton arc. Là-dessus, messieurs, un jet de Kyuditsu. Tu n'es pas non plus mauvais, tu vois que tu retiens ta respiration, mais que la flèche se plante un tout petit peu avant la cible. Tu étais un peu trop éloigné, tu as du mal à juger. Quant au Moto, il lance sa flèche et arrive droit dans la cible. Sans même flancher, sans même se diriger autre part, vraiment planté dans le torse. Du coup, Doji, tu vas me faire un jet. Encore une fois, de Kyuditsu. Tu touches. Et mes motos, tu vas me faire un jet d'équitation. Tu arrives rapidement, alors que Doji vient juste de finir le tir à l'arc et rentre sans le poids. Vous descendez tous les deux et puis... vous vous félicitez mutuellement. Bien, Doji-san, votre tir, même s'il était fortuit, aurait pu bien toucher à sa cible si jamais le vent avait été avec vous. Ah, vous avez montré vos capacités d'excellent cavalier, Moto-san. Je vous en remercie, Doji-san. On va arriver à Mirumoto contre Otaku Shiko. Oui. Bah, du coup, tu vois qu'elle vient vers toi. Ouais. Une bien belle personne, une femme des plus ravissantes. Elle est typée Rokugan. Mais tu vois qu'elle porte les mônes pourpres des clans de la licorne. Et vient t'adresser juste ce message qu'elle se donnera à fond. Et qu'elle espère que, même si tu n'es peut-être qu'un montagnard et que la cavalerie n'est pas la force des Mirumoto, que tu essayeras d'aller jusqu'au bout. En tout cas, elle te le souhaite. Écoutez, sachez que je ferai du mieux que je peux pour essayer de remporter ce point. Et je vous souhaite également de finir sans encombre. Une chute à cheval est très vite arrivée et je ne souhaite à personne ce genre de choses. Vous en faites pas, je connais très bien les chutes. Elle te fait un clin d'œil parce que tu te souviens qu'elle a fait quand même une chute de la montagne. Oui. Si vous en souvenez, elle avait chuté. Ah oui, avec moi. Et, ouais. Et je l'ai rattrapé. Vous deux, je sais plus. Oui, tu as rattrapé. En fait, c'est le Doji qui est tombé sur la Otaku, qui est tombé tous les deux. Et tu as rattrapé l'ensemble in extremis. Mais là n'est pas la question. Maintenant, Mirumoto, tu te mets sur... Du coup, avant de monter, j'ai eu l'occasion de voir Temujin. Donc du coup, je fais, peut-être maladroitement, mais j'essaye de caresser aussi le cheval, de lui murmurer deux, trois choses, histoire de le mettre en confiance, et surtout de me mettre moi en confiance, puisque je n'ai absolument pas monté à cheval. Enfin, chez nous, on ne le fait pas. Tu vas me faire un test d'élevage pour un peu adoucir la jument. Ah, attends. Ah bah non. Ça va adoucir là-dessus, pas. Disons qu'elle est très excitée par les passages, la cavalerie, tout ça. Et que tu sens que, bon, même tous les royaumes spirituels ne pourraient pas l'adoucir à ce point de devenir docile. Ça reste un animal assez sauvage. Mais bon, à toi de t'élancer. Ouais, j'aurais essayé de toute manière. Bon. Écoute, c'est parti. Donc, premier jet, donc ce sera le sprint de départ. Voilà, je pars. Oui, tranquille. Bah, moi, j'ai pas pris d'augmentation, c'est vraiment le petit départ au galop. Ouais. Donc, vous avancez tous les deux à une vitesse équivalente. Puis, vous arrivez vers le premier mannequin. Vous sortez votre saille et là je vais te demander un jet de Kenjutsu. Ok, vous touchez tous les deux la cible, donc dans un fracas à l'unisson, vous avez fait tous les deux le même bruit du bois contre le bois, ce qui a résonné énormément. Et puis, vous prenez rapidement votre arc. Attends, elle a fait aussi bien. J'ai fait une augmentation, moi. C'est-à-dire oui, moi aussi. Fait... Ah, d'accord. Ah oui, moi aussi. Attends, je pouvais me le permettre. Oui, d'accord. D'accord. Bah, on prend là. Donc, vous avez la même avance. D'accord. Et vous apprêtez votre arc. Et là-dessus, ce sera peut-être un jet de kimchi dessus. Ah ouais. De peu. De peu. Mais elle touche. Oh putain. Et pour te dire, j'ai fait 16, t'as fait 14. Oh là là, elle m'a pris mon point. Bah, elle avait toutes les compétences pour, hein, je te le dis tout de suite. C'était la favori, donc là-dessus, tu peux retenter ton jet. Mais là-dessus, il faudra prendre une augmentation, si tu veux la rattraper. La flèche est encore ratée. Et elle retourne, telle la chevauchée des Valkyries. Avec le vent qui la porte, je n'arriverai pas, malheureusement, à toucher. Je rentre penaud dans mon... Tu n'as que 3 flèches. Voilà, tant pis. Et elle, non, d'abord... Elle arrive tout fière à gagner son petit point. Mais toi, tu as toujours ton avance. Oui. Par contre, tu n'es plus le premier. Ah, mince. Mais tu vois qu'elle vient te voir et te félicite d'avoir pris autant de risques. Et elle a bien vu que tu as donné plus que ton maximum. Et que même elle pense que tu as des ancêtres qui a dû être du clan des licornes. Bien, je remercie. Elle plaisante pas avec ça. D'accord, je la remercie avec respect de ses compliments. Et je lui retourne un compliment sur que je suis toujours impressionné de voir des membres de la licorne chevaucher leur destrier de fort belle manière. Je suis très heureuse de voir qu'il y a des samouraïs qui ont de l'esprit et qui cherchent à être intègres. Sachez que je suis dans la capacité de mentir et ce que je dis n'est que la vérité. Il en va de même pour moi. Donc elle te salue et puis elle retourne voir ses compagnons. Enfin, ses compagnons, ses partenaires, etc. Mmh. Laissant la place aux autres et eux, ils font leur petit chemin. Donc il y a Doji... Kuanan qui a réussi lui à battre la Izawa et le Ida a raté contre la Matsu en équitation. Okay. Disons que le tir à l'arc il ne savait pas l'utiliser. Okay. Chose étrange, c'est que la Matsu a usé un sortilège pour s'avantager. Et c'est permis ? Enfin, l'arbitre n'a pas déclaré. C'est pas une infraction. Disons que t'as droit de te faire aider par des ancêtres et des camis. C'est pas interdit. Mmh. Sache que le tournoi est fait pour se représenter devant les dieux, donc... Ouais. Ça les camis ont droit d'influencer. Nous, êtres humains, ne pouvons rien dire contre ça. D'accord. C'est dommage que vous n'ayez pas de Shugenja, mais les Shugenja, c'est super intéressant à jouer. Juste pour les enquêtes, parce que comme tu peux interroger les camis, le MJ, en fait, peut interpréter du coup un kami, et selon l'élément que tu désires interroger, eh ben, le kami a une grosse différence. Par exemple, le kami du feu ne transmet que les sentiments de ce qu'il a, alors que le kami de l'air, lui, il est assez volatile, il commence à aller de toutes parts, il réfléchit partout, il est très volatile. Alors que le kami de l'eau représente, tu vois, il fait miroiter, il fait que la vision de la chose. Donc voilà, c'est ça qui est très intéressant avec les Shugenja. En plus des sorts qui peuvent être abusés pour certains types de Shugenja. Du coup, moi, je profite de... Bah, donc ça, c'est la fin de l'épreuve. Je vais voir Doji, Riro. Et je vais l'encourager, essayer de le remotiver, dire que j'espère que... Il va s'en sortir beaucoup mieux pour la suite, et je n'en doute pas. Ah bah, du moment que les camims sont favorables, je pense que la remontée est possible. Alors moi, personnellement, j'aimerais bien méditer, s'il y a le temps, peut-être. Il n'y a pas le temps. Ah mince. Il n'y a pas le temps parce que vous enchaînez directement sur la prochaine épreuve, donc il vous demande de vous changer, de prendre un habit plus cérémonieux, vu que ce sera la dernière épreuve de la journée. D'accord. Voilà. Changeons-nous. Donc tu vois que le soleil commence à s'incliner, laissant place à Dame, au Seigneur de Lune, pardon. Et vous commencez à rentrer au dojo, prendre vos vêtements, vous changer, vous habiller de vos habits d'apparat. Vous arrivez au même endroit où vous avez fait l'épreuve d'héraldique et l'épreuve de lutte. La pièce a été modifiée. Et pour cause, vous avez des repas qui sont disposés. Donc, vous avez des tables, mais il n'y a pas encore les plats, pardon. Vous avez des tables qui sont disposées pour un repas. Et tous les convives, que ce soit ceux qui sont illustres ou bien vos supporters, sont ici, sont tous présents. Et l'arbitre signale que la dernière épreuve de la journée, celle qui clôturera cette première journée, est une épreuve de comportement. Sachez que un samouraï doit savoir manier, bien sûr, l'art du bushi, c'est-à-dire du guerrier, mais il doit aussi savoir se tenir en société. Il doit connaître sur le bout des doigts les lois de Rokugan et son étiquette. Certains des invités, dont j'ai mis quelques papiers, vont vous poser une question individuellement. Si vous y arrivez à y répondre, vous obtenez un point. Je vous le dis aussi que c'est seulement l'invité qui vous donnera le point, et non moi. Hop. Je sors mon petit document, excusez-moi. Ok. Donc là-dessus, y a, disons, une petite foule, quelques personnes. Vous reconnaissez quand même des champions de clan, c'est-à-dire pas les demi-rigolos, hein, c'est vraiment des gars très importants, pour vous dire les plus importants des clans majeurs. Et vous voyez que certains sont en train de lire des petites étiquettes. Mmh. Là-dessus, Bayushi Shugai va chercher une personne avec une étiquette et va discuter avec elle, une ravissante samouraïko du clan de la grue. Pour dire ravissante, vous voyez quand même une beauté extraordinaire. Vous comprenez pourquoi Bayushi Shugai va la voir. Vous allez me faire... À vous quatre, vous allez me faire un jet de perception enquête. Un jet d'enquête. Comme tu dis. Très bien. Doji, tu reconnais la samouraïko comme appartenant au clan, aux membres du clan de la grue, et surtout de la famille Kakita. Il s'agit de Kakita Sami, la fille du doyen du dojo que vous êtes ici, enfin, la personne que vous avez rencontrée pour vous inscrire. C'est sa fille. Et Kakita Sami a pour particularité d'être une grande beauté convoitée par beaucoup de samouraïs. Et Mirumoto, tu vois qu'il y en a un qui a l'air de grincer des dents parmi vos rangs. Il s'agit de Doji Kwanan, qui en regardant ça, voyant le comportement du samouraï du scorpion envers cette personne, a l'air... de perdre la face, disons qu'il exprime des sentiments qu'en société on devrait cacher. Mmh. D'accord. Je note, j'enregistre. Hop, je reprends ça. Et du coup, on va faire un peu au hasard. Je vais poser... Non, je vais poser des questions... Bon, ils sont. Je vais tirer pour vous. On va commencer par le doji. Hop. Je tire les questions que tu vas voir. Enfin, la question que tu vas voir. Et la personne, tiens, je vais tirer la personne. J'ai que 8 invités, donc... Moi, je demande que l'on part. Hein. Oui, bien sûr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Ah oh, bah tiens. C'est marrant. Ah, c'est bien tombé. Tu l'empereur, c'est ça? Ah bah, non. C'est la salle, l'empereur. Ouais. Bayushi Kashiko. Ah. Elle s'avance vers toi. Tu vois qu'elle porte un kimono assez extravagant, d'une couleur pourpre sang. Elle arrive avec son masque et tu sens déjà un parfum. Ce parfum t'immonde. T'inonde, pardon. Et pratiquement, tu as l'impression d'être piégé par celui-ci, t'empêchant de reculer. Ah oui. Elle arrive vers toi, que fais-tu? Je la salue comme il se doit. En main. Comment fais-tu? Tu t'inclines, tu vois que... Elle dit, voilà que vous avez appris vos cours, Doji-san. Doji-kun, pardon. Excuse-moi, c'est Doji-kun pour toi. J'ai ce petit papier, mais la question est bien trop facile. Et tu vois qu'elle le déchire, le jette. J'ai le droit et le pouvoir de vous donner un point. Quel est le plus important, la compassion ou le devoir? Le devoir, sans hésiter. Si votre ennemi est à portée de sabre, quelle serait votre action? Si c'est un ennemi de l'Empire ou du clan de la grue, ce serait de l'éliminer sans aucune hésitation. Tu vois qu'elle apprécie ta réponse et que ça a l'air de lui en suffire pour t'attribuer le point. Ouais, oui. Vous en faites pas, j'ai une petite liste. Oui, Moto. Mirumoto. Mm-hmm. Alors, toi, 5, ce sera pas du coup la même. 3, 4. Ok. Tu te retrouves aussi devant une femme portant le mône du clan du lion. Une chevelure dorée avec vraiment. Un maquillage blanc très pâle. Mmh. Et ça a l'air, de ce que tu reconnais, ça a l'air d'être une Matsu. Comment tu te présentes à elle? Une Matsu. Matsu. Matsu. Matsu, oui. Donc, comment tu te présentes à elle? Oh putain. Tu peux me faire un test d'héraldique, hein, si t'arrives ouais, à voir. Ouais. Ouais, non, je vais faire ça parce que... Alors, héraldique... C'est tellement bien cette compétence. Ouais, en plus, je l'ai en spécialisation, donc c'est parfait. Tu reconnais cette personne comme étant la championne de la famille Matsu. Elle s'appelle Matsu Tsuko. Et du coup, elle est une personne évidemment très importante. Bah, je m'incline, du coup... devant elle. Non. Tu vois qu'elle arrive avec un ton très ferme et elle te dit bon, voici la question. Quels sont les trois péchés pour un samouraï? L'envie, enfin, comment je sais plus c'est quoi. Allons, ça doit vous venir à l'esprit directement. Oui, bah. Eh, t'es gentil, toi. Ouais, évidemment, nous sommes en CRP, là. Je suis pas en train de lui dire ça. T'inquiète, je te demanderai un G, si t'y arrives pas. Non, mais en fait, je comment dire, je le sais, mais j'ai pas le mot exact. Comment dire ça Fais-moi un jet du coup d'étiquette. Alors, étiquette. Je parlerai au nom de ton personnage, pour le coup. Je pense qu'on va être dans les temps ce soir en plus. Attends, 12. Je sais en fait. C'est ça qui est horrible. trois péchés, il y a... La peur. Mais ouais, c'est ça, en fait. Je sais qu'il y a le... Il faut pas... Le désir. Le désir de... Il y a le désir. Il y a le... Le côté... Tu sais qu'il faut pas se mettre en valeur devant les gens. Bon, on va s'arrêter là. Je vais te dire les réponses. Ouais. Ton jet ne te permet pas de répondre parfaitement. Oh. Je ne demandais pas un jet de connaissance. Hein. C'est juste pour voir si ton personnage en soi... Soit y arrivais toi, soit ton personnage y arrivait. Dans les deux cas, tant pis. En fait, c'est la peur, le désir et le regret. Voilà, Ouais. La peur ne doit pas être connue d'un samouraï. Oui, le désir et la convoitise. J'ai oublié. Enfin, oh, t'inquiète. Mais franchement, si je les avais pas relus, je les aurais oubliés aussi. Ouais. T'inquiète. Bah, c'est juste, tu n'auras pas le point tant convoité. Ouais, tu vois, ça fait trop, là. J'ai perdu trop de trucs, là. Moto. Putain, je fais que des 5. Bon. Bien étrange. Bah, du coup, tu prends qui à chaque fois? Bah, je prends N plus 1, donc je vais revenir à lui. Donc, tu tombes sur le champion. Le champion du clan du lion. C'est-à-dire le démio du clan du lion. Ça, tu as pas de mal à savoir qui c'est. Peur des corps. Hop. Donc Moto, tu vois qu'il te regarde, il est inférieur à toi en taille, mais tu vois qu'il a une prestance. C'est un parangon d'honneur, le gars. Il a une aura certaine. Ah oui. Ah oui, tu la sens bien faute. On parle bien de la même aura. J'espère. J'espère. Je ne veux plus, ça va. Je ne veux pas ça. Aucun tentacule dans le coin, j'espère. Non, tout va bien. Donc, comment ça se passe? Il vient vers moi. Il a un papier, lui aussi. Il a un petit papier, il vient vers toi. Donc, comment tu fais? Tu t'inclines? Comme tout le monde? Bien sûr. Ou tu commences peut-être m'incliner avec le plus de respect possible qu'il soit, même s'il fait partie du clan du lion. Donc là-dessus, tu vois qu'il t'adresse pas vraiment la parole. Il commence à lire son petit papier. Il dit « Quel est le fluide qu'un samouraï ne doit en aucun cas toucher ?» Bien. Je dirais le sang à Kodomo. Très bien. Il s'en va. Ah, les réjouissances. Et on va arriver à Yoritomo. Yoritomo. Un 5, allez. Ah, allez, un petit 2, là. Oh, le 2. Ah là là. Bah, du coup, oui. Bah, c'est un 2. Oh, non. J'ai dit Satsume. Il arrive vers toi. Un grand sourire. Les cheveux argentés. Tu sens une petite odeur de prune de son après-shampoing. Il arrive avec quelques courtisans qui viennent assister à comment il va poser la question, etc. Il te salue. Je le salue en samouraï du clan de la menthe. Les hommages de Julie de mort. Les épreuves se passent bien. Ah, nous essayons de donner notre mieux, mais... Mes très chers amis et compères sont bien entraînés eux aussi. Ah, c'est vrai qu'il y a beaucoup de recrues intéressantes. Surtout, qu'en pensez-vous de Doji Kuenan? Il fait partie de ma famille et je sais que vous l'avez combattu au Sumai. Oui, oui. Bien. Si j'ai souvenir, c'est toi qui avais fait Sumai contre lui. Oui, oui. Ouais. Bien, en tout cas, pour la Sumai, il s'est bien défendu. Hein, je n'ai pas réussi à le sortir directement, sachant que ce n'est pas c'est l'une de ses spécialités. J'imagine qu'il sera encore plus compliqué à réussir à battre dans d'autres domaines. Mmh. Surtout, il est favori pour le titre de champion de Topaz. C'est le meilleur du clan de la grue. Sans dire que, bien sûr, Doji Aero, qui fait aussi partie de ma famille, n'est peut-être pas égal en Bushido, mais que ils se complètent tous les deux. Oui, oui. Disons que Doji Aero a plus la passivité du clan de la grue, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, oui. Faut un certain sang-froid et, bon. Et être assez taciturne dans ces faits. Je vais vous demander du coup la question simple que je pense que vous pouvez répondre sans même réfléchir 3 secondes. Clin d'œil, clin d'œil. Quel est le protocole pour un samouraï de haut rang quand il arrive en ville ? Il faut tout d'abord se présenter, notamment au seigneur local. Très bien. Et par quel moyen il le fait ? Va-t-il lui-même au château ? Ça dépend. S'il est bien vu par le... Haut de rang, je rappelle la question. J'ai l'impression de jouer à une question pour un champion. Oui, il se présente de lui-même. Non, il va demander à un des subalternes de prévenir de sa présence en ville. Et ensuite, s'il est accepté par le Daimyo, pour qu'il vienne... Ah oui, une entrevue. Excusez-moi, je... Oui, vous savez... C'est rien. Mais tenez, que ça reste entre nous. Bien. Merci, petit de moi. Ah, tu vois les autres rigolent un peu. Hein. Qu'il est mignon, ce... Hop, qu'il est mignon, ce samouraï. Il ne ressemble pas au brut du clan de la Mante. Il a l'air plus simple, plus tranquille, moins barbare que ces pirates. Bon, après, tant pour d'autres ondits, mais on ne citera pas ici. Oh, c'est normal, quoi. C'est ce qu'on dit de base. Ouais. Voilà. Fais ma petite distribution. Ah, on voit que ça, l'écart commence à se creuser, hein. Ida. Ouais. Tac. Chance 4. Oui, c'est ça. Donc, après cette épreuve, le décompte des points est fait. Donc, vous déposez tous les points que vous avez gagnés. Là-dessus, à la fin de la première journée, Doji Kwanan et bien sûr Bayushi Shugai sont les grands favoris. Il manque seulement un point, il reste tant d'épreuves. Et vous voyez qu'ils ont explosé le score. Ils sont bien partis pour. Ils ont seulement un point de plus que la plupart d'entre nous. Tu vois que. On peut encore les rattraper. Ayons espoir, mes amis. Votre objectif est déjà de vous valider. Et ensuite... Il nous faudra 5 points, si je me souviens bien. Oui, ça va. C'est pour ça que j'ai dit il y a quand même la possibilité de les faire. Il reste encore pas mal d'épreuves. Du coup, Kakita Yuri, l'hôte du championnat, je rappelle le doyen du dojo, commence à attribuer remettre vos points. Et vous demande bien simplement si vous pouvez rester pour le dîner. Donc il vous formule une invitation, une formulation. Vous ne pouvez pas refuser l'invitation pour rester pour le repas de ce soir. Bah lui, de toute façon, m'a refusé ce genre d'invitation provenant de telle personne. De la part de qui j'ai pas trouvé... Le vieux qui vous a accueilli au début du championnat. Pour l'inscription. Donc il vous fait une invitation sur laquelle vous ne pouvez pas refuser. Et donc, quand est-ce... Enfin, pour ce soir. Ah oui, maintenant même. Donc c'est pour ça... Je refuse pas, évidemment. Moi non plus. Et alors, accepte même. J'aimerais taper un sprint pour essayer. Alors, est-ce que ça serait possible que... Enfin, alors, est-ce qu'il y aurait un endroit si... Enfin, j'imagine qu'il y avait des joncs dans le ruisseau où il est tombé. Non, qu'est-ce que je... une plante en particulier que j'ai remarqué. Parce que en gros, j'aimerais bien lui offrir en cadeau une de ces plantes. Ah, le wool. D'accord. Ah, non. Là-dessus, il te demande pas de lui offrir de cadeau. Ah, c'est-à-dire que ça me fait plaisir, étant donné qu'il va offrir un magnifique sabre. Alors si j'ai le temps, bon. Après, Non, c'est pas lui. Non, c'est pas lui. C'est... Oui, voilà, c'est bien ça. C'est pas Megumi-san. C'est pas Megumi. C'est celui qui vous a inscrit. Oui, c'est. Oh. Je comprenais pas. Désolé. Moi, j'ai. Il va quand même le faire. C'est Kakikita Yuri, son nom. Je l'avais dit, c'est celui qui vous a inscrit, qui vous a dit comment ça allait se passer, les 5 points, etc. Et donc, c'est le père de Kakita... Asami. Kakita Asami, d'accord. Attends, tu l'as présenté, hein, quand ça s'est fait. Ah, il attend ça. Ah oui, effectivement. Et c'est qui Matsutsuko? C'est celle qui t'a interrogé, Mirumoto. Pardon. Qui a interrogé Mirumoto. Ok, d'accord. Ah, des cheveux. Ah oui, bah oui. C'est bah, normalement, elle est blonde. Hein. C'est une photo, je crois, d'une carte. Donc, elle n'est pas représentative. Normalement, elle est blonde. Enfin, elle a une couleur. Quoi. Donc, là-dessus, on vous propose de rester. Vous restez. Bien simplement, il y a beaucoup de discussions. Vous restez un peu à l'écart de cette cour un peu fermée. Et vous vous installez proche des grandes tables avec les champions de clan. Donc vous êtes assez proche pour entendre leurs discussions, bien que certains aimeraient être à votre place. Et les plats commencent à arriver. Donc des plats très copieux. Il y a des sushis, mais il y a aussi des viandes en sauce, etc. Des plats assez copieux. Et très fin. Et tout au long du dîner, vous vivez quand même dans la peur de commettre une erreur, de vous faire remarquer. Par chance, fort heureusement, vos craintes ne sont pas fondées. Et personne dans la pièce ne vous prête la moindre attention. Tous les invités y prient les manœuvres politiques qui se jouent à la table principale, laquelle est à proximité de vous. Donc vous voyez, j'ai oublié de dire que l'empereur était là, par ma faute, excusez-moi. Ah, oui, donc la table principale, vous voyez l'empereur sur son trône, avec Bayoshi Kashiko, enfin Dame Kashiko, Bayoshi Shoju et Doji Satsume, d'autres invités, vous avez Akodo Totori, Matsutsuko, Kakita Yuri, sa fille... Du coup, Kakita Asami, et ainsi qu'un daimyo du clan du blaireau, qui se nomme Ichiro Akitomo. Ça vous semble bizarre, bien que vous soyez assis un peu à proximité, vous voyez quand même les petites subtilités du comportement. Et vous voyez que ce daimyo, Ichiro Akitomo, le daimyo du clan du blaireau, semble recevoir les plus grandes attentions de la part de Doji Satsume et de Akodo Totori, les deux daimyo respectivement du clan de la grue, plus ou moins, et du clan du lion. Ainsi, vous pouvez vous empêcher de demander quelles sont les raisons pour lesquelles ces deux clans majeurs viendraient demander, courtiser un clan mineur si insignifiant. Donc le repas se passe sans encombre de votre part, sans faute. Même le Ida s'est bien comporté, il n'a bu que raisonnablement. Et déjà, quelques invités se lèvent. Et sont en train de s'autoriser eux-mêmes à quitter, à prendre congé pour aller, pour ainsi dire, se reposer. Et durant le repas, qu'en a-t-il de Bayushi Shuga? Y a-t-il pareil? Il n'est pas avec vous, il est sur une autre table. Il n'est pas avec... En fait, vous êtes un peu éparpillé, pardon. Disons que vous êtes allé avec les préférences, mais que vous êtes fait une table de jeunes, et puis à d'autres, par exemple, Otaku Chico n'est pas resté avec Moto Temujin. Elle est allée sur une autre table. De même que Matsu... Matsu Shoshu, ouais, bref, est allée aussi à une autre table. En fait, vous avez juste Ida, Izawa Okuro et Doji Kwanan à votre table. Ah, très bien. Bayushi, disons que tu le vois, puis il prend congé, et puis, semble-t-il, il part. Il prépare sa triche du lendemain. Il se repose, il a trop triché aujourd'hui. Non, mais en tout cas, Bayushi, c'est un grimpeur expert. Hein. On l'a fait pour l'autre aussi. Pourtant, les terres du scorpion n'en sont point. Excusez-moi, Doji-san, allez-y. Je disais que. Nul doute qu'il dispose d'une habilité à. Aider. Sans doute pas par les kami. Probablement par des gens bien inférieurs. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans la forêt aux obstacles, il y avait des cordes installées à chaque arbre et qui semblaient avoir été placées là pour favoriser la progression d'un candidat. Nani ? Nani ? Tu vois que Otaku, Izawa, pardon, Okuro s'approche de votre conversation et il te demande de répéter. Enfin, il te dit vous pensez que. Il a triché. Je ne sais pas si c'est lui, mais le candidat qui semble avoir été le plus avantagé lors de cette course fut Bayushi Shugai. C'est probable. Ida est le deuxième le plus avancé, et au vu de sa position finale, je ne pense pas qu'il ait utilisé un quelconque. Mais comment tricher, voyons, c'est impossible. Un samouraï ne se permettrait jamais ça. Oui. Et puis de toute façon, il me semble que personne ne l'a vu de tricher, donc à partir du moment où on a le doute, on ne peut rien dire. Le samouraï ne triche point, mais le scorpion sait nager. Là-dessus, Moto Temujin, tu vois Otaku Chico qui s'avance vers toi. Et te propose de l'accompagner pour rentrer en ville. Bien sûr. Avec plaisir, Otaku-san. Tu vois qu'elle te remercie et qu'elle est désolée de t'interrompre pour de ton repas avec tes amis, mais qu'elle désire te parler. Bien sûr, pressons-nous, la nuit commence à devenir de plus en plus noire. Oui. Et du coup, tu l'accompagnes à l'extérieur. Là-dessus, bon, il y a des petites lanternes, hein, donc il ne fait pas noir total. Tu vois la cour du dojo, avec un chemin qui mène un peu plus loin vers des jardins. Et tu vois qu'en fait, elle désire emprunter ce petit chemin. Elle voulait pas vraiment repartir totalement en ville. Comment ça? Elle ne voulait pas repartir? Elle voulait discuter avec toi. Bien sûr, eh bien. Du coup, tu la suis un peu, tu vois, qu'elle prend le chemin pour aller vers les jardins, du coup. Elle te demande que... Elle se sent gênée. Car à chaque fois qu'elle tourne le regard vers toi, tu l'observes. Elle trouve cela très intriguant. Que là, aujourd'hui, on fait partie peut-être du même clan, mais que nous sommes en compétition pour le titre de champion de Topaz. Et je ne décevrai pas les vierges de bataille... au détriment de ta famille. Bien sûr, et j'en ferai de même. Je ne déshonorerai pas le clan Moto, et je pense que nous pouvons faire une compétition plus que loyale et faire fi de nos griefs passés. Si nous arrivons tous les deux en finale, serais-tu prêt du coup à porter ton katana vers moi? Tu me le jures? Otaku-san, je vous promets de combattre avec, de vous combattre avec le plus de vigueur et de force que je puis donner. Je vous aime beaucoup, Boto-san. Et j'espère que votre parole, vous la tiendrez jusqu'au bout. Telle est la vertu du samouraï de garder la parole. Et ce qu'il dit doit être fait. Je ne perdrai pas la face, Otaku-san, je vous le promets. Et c'est là-dessus que tu entends des bruits. Tu entends un combat provenant des jardins. Et tu vois que ça brise le silence qu'il y a eu. Tu te dépêches, tu vas voir un peu plus et tu vois le sang. Ça sent le sang dans tes narines, tu sens l'odeur du sang. Au pied d'un pont qui surpasse un petit bassin, tu vois un champ de bataille. Des corps ensanglantés de 5 hommes gisent au beau milieu des cerisiers en fleurs. 4 d'entre eux sont des bushis du clan du blaireau. 2 ont encore leur katana et leur, dans leur saille, c'est-à-dire dans le fourreau. Et tu identifies sans difficulté le 5e cadavre comme étant celui de Ichiro Akitomo, le daimyo du clan du blaireau, dont le cou et la poitrine ont été transpercés par une sorte de d'arme de ninja qu'on appellerait un shuriken. Et aucun bruit, aucune personne aux alentours? Une voix inquisitrice rompt soudainement ce silence quand tu essaies d'observer. Il se trouve sur le pont, tu remarques une silhouette et tu reconnais la voix comme celui de Bayushi Shugai, te demandant « Que faites-vous ici ?» Il descend du pont, avec un katana ensanglanté dans les mains. Eh bien, pourquoi donc votre katana est-il ensanglanté, Bayushi-san ? Il y avait un de ces assassins qui essayait de s'enfuir par le pont. J'ai entendu le bruit des combats et je suis arrivé avant vous. J'ai remarqué qu'il y en a un qui a dû prendre la fuite pendant que nous discutons. Il n'y a pas de temps à perdre. Je vais prévenir d'ores et déjà le clan... Non, j'ai déjà envoyé Otaku-san se charger de cette Otaku-san charge. Est resté avec toi. Otaku-san est resté avec toi. Je pensais qu'elle n'était pas venue. Si. Ok. Non, il n'en est rien, vous êtes un bien plus fin combattant que moi, ce que je vois. Donc, Otaku-san, allez vite prévenir le Daimyo et toute la seigneurie de ce terrible massacre. Il nous faut absolument prévenir toutes les autorités et pourchasser l'assassin. Bah, je m'occupe de pourchasser l'assassin. Allez voir le champion d'émeraude, Doji Satsume, et lui dire qu'un drame a été commis pendant le championnat de Topaz dans le proche de l'empereur, et que peut-être l'empereur est en danger. Il se tourne et il commence à courir le chemin pour rattraper sans nul doute l'assassin du clan de la. Les assassins qui ont tué le clan du Béro. Bah, je vais demander. S'il vous plaît, Otaku-san, allez-y. Et je vais poursuivre Bayushi. Tu vois qu'elle te retient et elle te dit c'est peut-être lui qui les a tués. Vous avez bien vu le katana en sang. On peut pas lui faire confiance, il a l'air de mentir, j'en suis sûr. J'en suis sûr, moi si, c'est pour ça que je veux le suivre. Faites vite. C'est dangereux. Mais je dois faire fi de ce danger. Tu vois qu'elle te lâche, et tu t'en vas rejoindre Bayushi Shugai, qui a pris un peu d'avance. Tu vas me faire un petit test d'athlétisme. Quant à elle, elle va venir à l'intérieur. Il vient déranger pendant que vous étiez en train de discuter Mirumoto avec les autres, pardon. Et elle dérange en venant prévenir directement Doji Satsume qu'un drame a été commis. Le daimyo du clan du blaireau a été assassiné. Et là-dessus, le champion d'émeraude, qui est Doji Satsume, se lève et va voir et observer les lieux du crime. tout le monde va à l'extérieur. Et à un moment, quand vous allez tous passer la porte, il dit « Personne ne sort. » Et ferme les portes. L'enquête durera un petit peu de temps. Il s'avère que... Je vais abréger parce que je pense que Moto, tu m'as entendu pour le jet d'athlétisme. Oui, j'attendais que tu finisses, désolé. Fais-le en même temps parce que... J'ai pas d'augmentation. Bah justement, non, fallait pas. Tu vois que tu as perdu de vue Bayushi Shugai, et en voyant un peu que tu t'es perdu dans les jardins, il revient avec le corps d'un homme et te dit « Cet homme a lâchement assassiné son daimyo. Regardez. » Et il te jette le corps qui a été bien sûr poutré. Très difficile à reconnaître. C'est le carreau du clan du Biron. Ce lâche a assassiné son propre daimyo. J'ai trouvé cette lettre sur lui, signalant qu'il comptait vendre des mines au clan de la licorne. Nani ? Je pense que votre clan est impliqué aussi dans cet assassinat. D'où ma question, que faites-vous à l'extérieur ? Bien... Je vois que je n'ai pas d'armes, c'est déjà une bonne chose. J'ai été me promener avec Otaku-san qui m'a fait la requête de petite balade au clair de lune dans les jardins du clan de la grue. Et où comment êtes-vous tombé sur le corps ? Je suis tombé malheureusement sur... cet homme, et il a voulu me planter un couteau. Je n'ai que répondu. Et tu vois qu'il a répondu avec grande violence. Allons voir le champion de Topaz. Lui seul pourra résoudre cette situation. Le champion d'Emeraude. Ramenons cette épreuve. Il va en faire un bon usage, je pense. Et qu'en est-il des shurikens qui ont été utilisés pour déchiqueter le coup des Mio ? Certainement... La personne que j'ai tuée sur le pont était vêtue de manière étrange. Et pourtant, il ne semble point armé. Peut-être. Ou il s'est débarrassé de ses armes. Ou peut-être il a utilisé une quelconque magie, je ne sais pas. Allons voir. Bon, il insiste, tu vois qu'il avance lui-même pour aller rejoindre le champion de Topaz. Mais pour toi, il y a... aucun doute que Shugai soit mêlé d'une façon ou d'une autre dans cet assassinat. Tout seul. Tu es tout seul. Avec lui. Oui. Il est armé, hein. Toi, tu l'es pas. Oui, très bien. Je te le signale. Bon, j'ai pas l'accusé du coup. Parce que, après, tuer un homme, c'est quand même. Voilà. D'accord ? Là-dessus, vous êtes tous réunis à l'intérieur du bâtiment. Ceux qui étaient à l'intérieur sont bien sûr ne sont pas suspectés. Donc ça vaut pour Mirumoto et Doji Aihiro. Pour toi, Moto et Otaku, vous certifiez que vous êtes tombé sur les lieux après que le crime ait été commis. Tu signales que tu as entendu des bruits de combat. Mais en l'absence de preuves, vous voyez que vraiment ça a l'air de pencher du côté de Bayushi Shugai, et le carreau du clan du Biro, du démon du clan du Biro. Le carreau, c'est le conseiller, si je ne l'ai pas dit, excusez-moi. C'est une sorte de premier ministre, un conseiller assez important. Et du coup, imposé comme étant le meurtrier et le commanditaire de l'assassinat de son daimyo, malheureusement, une voix féminine qui fait opposition à cette sentence Takushiko signale que ce n'est pas le carreau, le tueur. Elle dit que c'est lui, le tueur, en montrant du doigt Mayushi Shugai. Le champion d'émeraude observe la situation. Un silence de mort s'abat sur toute la salle. Tous les regards se tournent vers elle. Et elle commence à réaliser son erreur. Un simple souffle du champion d'émeraude, Doji Satsume, se fait entendre. Donc il souffle, hein, il... comme un peu comme ça. Alors qu'il est en train de réfléchir sur ce qu'elle vient de dire, Mayushi Shugai hurle à son tour son défi. Vous avez insulté mon honneur et ceux de mes serviteurs. Vous allez payer votre insolence par le sang. Je demande un duel et qu'on règle ça. Si je gagne, je prouverai mon innocence. Si je perds, les Kami auront décidé de mon sort. Le daimyo accorde un signe de tête. Le champion d'émeraude, pardon, accorde un signe de tête, autorisant le duel. Je demande à me battre pour dame. Tu vois qu'elle te retient en te disant que non. C'est elle qui a fait l'erreur, tu n'as pas à en pâtir de celui-ci. Enfin, Otaku-san, c'est de la folie. Tu vois qu'elle ne t'écoute pas. Et elle dit, j'accepte qu'on règle ça maintenant. Donc, là-dessus, la katana est délivrée à chacun d'entre eux. Tu vois que si tu interviens, ça peut mal se passer pour toi et pour elle aussi. Tu décides d'assister en tant que spectateur à ce qui semblerait être une mascarade. Mayushi Shugai arrive avec son katana. Takushiko a du mal, tu sais, à faire des duels déjà au sabre. Elle qui pratique plutôt la lance. Le duel commence et en quelques instants, Mayushi Shugai lui tranche la gorge et tu réagis impuissant à la mort de Takushiko.